Chapitre 4. Le bonhomme dans le coin sortit de sa poche sa ficelle qu'il n'avait pas encore tripotée. Sans doute avait-il déjà raconté ailleurs quelques récits, car elle se trouvait pleine de nœuds. Il se mit tranquillement à en défaire un. Cela signifiait que j'allais bientôt connaître le mot de l'affaire. « Eh bien, que pensez-vous de tout cela ? » me demanda-t-il. « J'hésite. Il me semble que le fond de l'histoire du prétendu M. Armand de la Trémouille peut être vrai. Sans doute, n'ayant pas péri sur l'Argentina, a-t-il pu revenir chez lui, faire chanter sa première femme et duper tout le monde. Ne voyez-vous pas qu'il y a deux points très forts contre cette théorie ? » demanda le bonhomme entre ses dents, qu'il joignit à ses longs doigts maigres pour venir à bout d'un nœud rétif. « Quels points, je ne les vois pas. Tout d'abord, si le maître chanteur avait été le comte de la Trémouille, revenu à la vie, pourquoi se serait-il contenté de 10 000 livres, alors qu'il pouvait exiger beaucoup plus d'une personne qui, après tout, était son épouse légitime, qui est extrêmement riche et qui pouvait lui assurer une forte rente pour le restant de ses jours ? Cet aventurier était certainement un séducteur professionnel, un beau gars, sachant décider les femmes à tout. Tous les amis de M. Morton savent que sa femme tient serrés les cordons de sa bourse. Pourtant, elle déclara elle-même que lors de son premier mariage, elle faisait pour cela Trémouille les plus gros sacrifices d'argent qu'il lui était possible de faire. Et puis celui-ci, conscient de son pouvoir, ne se serait pas tenu à distance. Il aurait fait en sorte de rencontrer Mme Morton, de lui faire les yeux doux, d'essayer de la reprendre, corps, âme et bien. Rappelez-vous qu'elle avait l'absolue direction de sa fortune. Il est même probable qu'elle n'eût pas revu sans émotion cet homme qui avait été son premier amour. D'autant plus que M. Morton, je vous l'ai dit, est tout le contraire d'un don Juan, avec sa figure et son aspect de gros commerçant de la cité. Il fut peut-être arrivé pire. En tout cas, Mme Morton se fut trouvée mal défendue contre ce retour du passé. Et puis pourquoi écrire ces lettres à la machine ? Probablement pour une raison sans importance, peut-être parce que la Trémouille exerçait l'emploi de sténodactylographe. La police ne s'est pas souciée de cela. Mon expérience personnelle me permet d'affirmer que lorsque, dans des affaires de ce genre, figurent des lettres écrites à la machine, elles sont presque toujours des faux. Il est très facile d'imiter une signature et extrêmement difficile d'imiter une écriture. Alors vous pensez que... Ce que vous penserez vous-même en suivant la ligne déductive formée par les points certains de l'affaire. D'abord, M. Morton disparaît et est retrouvé, comme vous le savez. Un homme appelé Skinner est accusé. M. Morton, quoique capable de mettre M. Skinner aussitôt hors de cause en déclarant, comme il l'a fait ensuite, qu'il ne ressemble même pas à son assaillant, se contente de refuser de poursuivre. Pourquoi ? Il était souffrant, tenu dans l'ignorance de ce qui se passait exactement, ou peut-être voulait-il éviter tout scandale à cause de ses enfants et de sa femme. Il se portait pourtant assez bien pour refuser de poursuivre et pour déposer par écrit dans son lit. Il ne pouvait non plus ignorer que le gouvernement poursuivrait directement. Il me semble qu'il a un peu fait le malade. Et puis, comment se fait-il que personne ne l'ait vu en compagnie de l'étranger basané ? On ne l'a vu qu'en compagnie de M. Skinner. Oui, à 9h20 dans la rue de l'Ouest, ce qui donnait largement le temps à M. Edward Skinner de prendre le train de 9h45 après avoir reçu les 10 000 livres et donné en échange les clés de Russell's House. Impossible ! Impossible ! Protesta le vieil homme en se débattant de plus en plus violemment avec les nœuds de sa cordelette. La police a déclaré que les liens avaient été serrés hâtivement. Comme si un véritable bandit n'avait pas pu ficeler mon M. Morton comme un saucisson et d'une façon digne d'exciter l'admiration des détectives. Tenez, ce fut cet adverbe hâtivement qui, dès le début de l'audience, me donna la clé de tout. Au contraire, il est extrêmement facile à n'importe qui de s'asseoir dans un fauteuil, de se lier et de se bâillonner d'une façon vraisemblable, mais qui tout de même semblera hâtive à la police. Mais pourquoi un homme, dans la position de M. Morton, aurait-il joué cette extravagante comédie ? Le motif est très simple. Quelle est la position de M. Morton ? Il a le mari d'une femme plusieurs fois millionnaire, mais sans son consentement, il ne peut obtenir un penny de cette fortune. Elle, après la terrible épreuve de son premier mariage, a évidemment épousé un homme qui n'est pas très séduisant par peur d'être encore exploité. Elle entretient la maison sur un pied brillant, mais elle ne fournit à son mari que très peu d'argent de poche. Il sent là, près de lui, rageusement, une fortune à laquelle il ne peut toucher, et si les policiers avaient observé d'un peu plus près sa vie privée à Londres, surtout depuis cette affaire, ils auraient sans doute reconnu au brave commerçant des goûts dispendieux et peu avouables. Un jour, il découvre, dans quelques vieux secrétaires, la correspondance du comte Armand de la Trémouille. Il n'est pas loin à voir quel parti il en peut tirer. Il dresse ses plans. Il écrit à la machine une lettre et il imite la signature. Le poisson mord à l'hameçon, le bon mari trouve à la poste restante diverses sommes d'argent. Il recommence. Grâce aux détails que lui fournit l'ancienne correspondance et auxquels il fait allusion, il sait rendre ses lettres vraisemblables. Ses succès le rendent audacieux. Alors il cherche un complice, un homme adroit et sans scrupules, et trouve M. Edward Skinner. Il se décide à frapper un grand coup. Le plan est vraiment simple. M. Skinner loue la chambre de Russell's House et étudie les habitudes de la propriétaire et de sa domestique. Puis, pour détourner l'attention de la police vers lui, il fait quelques pas dans la rue de l'Ouest avec M. Morton, lui donne les clés et reçoit l'argent qu'il mettra en lieu sûr. Ensuite, il se précipite à la gare afin d'avoir un alibi. Pendant ce temps, M. Morton se rend à Russell's House. Grâce aux indications très précises de son complice, il gagne sans encombre la chambre. Il lui parle à voix haute, imitant une conversation. Et vous savez le reste. Mais son état de faiblesse était ensuite très réel. Oh ! Cela ne fut pas le moins adroit de l'affaire. Après avoir attendu 24 heures, il savait qu'on ne pouvait venir le chercher là plus tôt. Il a lui-même pris une forte dose d'opium ou de chloral. Du bromidia, sans doute. Cette affreuse et puissante drogue que les pharmaciens ont le tort de vendre sans ordonnance. Peut-être, sur un estomac aussi à jeun, la drogue a-t-elle produit un effet un peu plus violent qu'il ne l'eût souhaité. Peut-être a-t-il failli y rester et eut-il juste la chance de pouvoir tout de même gémir assez fort pour être entendu. On ne sait. En tout cas, cette idée de drogue était des plus heureuses. Il continue maintenant à jouer son rôle à merveille, sous le prétexte que sa femme, quoique incondamnable pour bigamie par la loi anglaise, a tout de même un premier mari vivant. Il habite dans un appartement de Londres et ne visite Madame Morton que l'après-midi. Mais bientôt il retournera dans la belle villa de Brighton, et je vous garantis qu'on n'entendra plus jamais parler du comte de la Trémouille. Le bonhomme était déjà parti. Vainement cherchais-je une autre solution à ce que la police appelle encore le mystère de Brighton. Emma Orczy.